Bonjour amis Cancer et ascendant Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de janvier 2024. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024 et on va regarder quel est le message de l'oracle de Béline pour janvier 2024 Cancer. Alors la coupe. Bon, la coupe, alors c'est marrant cette coupe parce que là on a une carte d'assurance, de confiance en soi, et là on a une carte d'hésitation et d'instabilité, de flou. Bon, donc vous allez peut-être être entre les deux, entre des moments de confiance en vous et des moments où vous allez complètement douter de vous, de vos relations. Bon, on va regarder le tirage, hein. C'est juste une coloration, donc on est sur les cancers. Janvier, amour 2024. Attendez, vous allez douter de vous. Je repense à la coupe, hein, parce que ça c'est bon, ça c'est... Bah, oui, je pense que votre mois de janvier, il va être mitigé en fait. C'est parce que le tirage, il reflète, en fait la coupe reflétait bien, vraiment bien le tirage. Parce qu'ici, on a au départ... Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien actuellement, voilà, vous allez vraiment vivre début janvier, à la suite des fêtes, de très très beaux moments, des moments d'apaisement. Et on dirait que par rapport à à la crainte d'une rupture, à la crainte d'une séparation ou d'un éloignement, eh bien vous allez être rassuré et vous retrouver pleinement dans la joie, dans l'amour, dans la fusion, dans les câlins. Donc ça c'est excellent pour vous. Si votre couple n'allait pas bien, eh bien sachez que c'est un excellent mois. L'année commence bien pour vous réconcilier ou pour vous rapprocher. Et donc, peut-être la séparation, le divorce que vous craignez, apparemment ne se produit pas. Et vous allez vous réconcilier de manière hyper chaleureuse, vous retrouver pleinement et partager vraiment du désir. Retrouver le désir aussi l'un pour l'autre, ça c'est important. Alors, pour les célibataires, eh bien, donc, apparemment, vous allez plutôt être en paix. Alors, je ne vois pas trop la possibilité d'une rencontre pour vous, mais vous allez de toute façon vous sentir bien dans votre peau, plutôt être en paix avec vous-même, même s'il y a des moments, ben, vous allez douter de nouveau de votre avenir affectif, comme on l'a vu dans la coupe, et vous allez peut-être à certains moments craindre que il n'y ait pas d'avenir dans votre avenir amoureux, où il n'y en ait plus. Mais voilà, en conclusion, fin janvier, vous allez peut-être avoir du désir pour quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui va de nouveau réveiller votre envie d'aimer. Voilà, donc c'est positif sur la fin janvier. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier 2024.